L'auberge. Mur blanc, toit rouge. C'est l'auberge fraîche, au bord du grand chemin poudreux, où le pied brûle et saigne. L'auberge gaie, avec le bonheur pour enseigne. Vin bleu, pain tendre, et pas besoin de passeport. Ici l'on fume, ici l'on chante, ici l'on dort. L'hôte est un vieux soldat, et l'hôtesse, qui peigne et lave 10 marmots roses et pleins de teigne, parle d'amour, de joie et d'aise, et n'a pas tort. La salle, au noir plafond de poutre, aux images violentes, Malek Adel et les rois mages vous accueillent d'un bon parfum de soupe aux choux. Entendez-vous? C'est la marmite qu'accompagne l'horloge du tic-tac allègre de son pouls. Et la fenêtre s'ouvre au loin sur la campagne.